Oh no, no, no. Salut, océan. Océan. Comme les vagues de l'océan. Toi, trouver les paroles. reste là encore près de toi. Toutes ces vagues me font du bien, tu vois. Juste le bruit du vent. Du bruit chez moi.